Bonsoir, on est en direct de MTC Montréal et le cours sur la paracha de Terouma et va être donné par le rabbin Cohen, car le rabbin Maimon Pinto est en Israël, Bezat Hashem. Alors, pour les Lounishma de Rosalie Batourida, la Refoua Shelema de Nissim Ben Aviva et la Refoua Shelema de Yael Bat Rosalie et de Benjamin Ben Yael. Et on est le 28 janvier 2014 et on est le 27 Shvat 5774. Bon cours. C'est rare des gens qui, de nature, sont portés à donner directement. Ça existe. Il y a des gens généreux de naissance, on va dire. C'est des midos. Le Tania dit que ça peut être fixé même dans l'âme naturelle, comme une mida. Nature. Mais, en réalité, on a tous à transformer notre nature. Quelque part, ici ou là, il faut qu'on transforme notre nature. Pourquoi ? Parce que notre nature, c'est ce que explique le Rabbi, elle a été déviée depuis les premières fautes de l'humanité, comme la faute d'Adam Harishon et ce qui a suivi. Et que maintenant, il faut redresser ce qui a été dévié. Et la manière essentielle, globale, générale, qui permet de redresser notre nature déviée, c'est l'idée de donner. Vous savez, le Rabbi, il a dit à la fin, dans les dernières années, il a dit, écoutez, Mashiach, il n'y a qu'une seule chose finalement qui peut le faire venir, c'est qu'on fasse des actes de générosité, de bonté. Kindness and goodness, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est pas faire un coup d'État ? Non, c'est pas comme ça que tu vas mener le Mashiach. Tu vas mener le Mashiach quand tu vas faire des actes de bonté. Parce que quand tu fais du don, lorsque tu donnes, tu transformes ta nature premièrement, mais aussi tu fabriques un keli pour recevoir le Shefa d'Hachem. Ouais. Expliqué comme ça dans les Sfarim de Kabbalah, du Harizal, que pour fabriquer un keli, et le Rabbi a souvent insisté sur la notion de fabriquer des keli. Quand on venait lui demander une bracha, il disait, ok, maintenant, pour recevoir cette bracha, fabriquer un keli. C'est-à-dire quoi un keli ? Je vais te donner la bracha, le Shefa d'Hachem, il va descendre. Maintenant, attrape-le, retiens-le. Mais la manière de le retenir, et ça peut nous sembler un peu paradoxal au départ, mais si on réfléchit, on comprend que c'est normal. C'est que la manière de fabriquer un keli pour recevoir la bracha d'Hachem, c'est en donnant. Pourquoi ? L'idée, c'est que si tu es uniquement tourné vers toi-même, tu fonctionnes en vase clos, et qu'est-ce que tu peux recevoir à la fin ? C'est seulement dans l'échange, quand tu reçois et que tu redonnes, nous dit le Harizal, que c'est là qu'on fabrique le keli pour recevoir. Un keli, ça a besoin d'une chose et de son contraire. Pour ça d'ailleurs que le commerce, quand on fait du business, il y a une notion d'échange. Et il y a un acheteur, un vendeur, on fait des échanges. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. On donne et on reçoit. C'est dans cet échange-là qu'en réalité, on peut réellement recevoir la bracha d'Hachem. Comme ça, il explique le Harizal. On n'est pas tous commerçants. Non. Mais tout est commerce, finalement. Tu es médecin, c'est un commerce. Tu es pharmacien, c'est un commerce. Oui. Tu donnes quelque chose de toi. Tu donnes ton savoir, tu donnes ton temps, tu donnes ton attention, tu donnes ton service. On est dans une société de service aujourd'hui. Tu donnes un service, et en échange, tu reçois quelque chose. Non, on dit, Mia ou Savaï. Gérard, j'ai un copain qui a dit que même avec ta force. Non, mais en français, on dit faire du commerce. Non, mais attends, tu plaisantes. Mais c'est vrai. En France, en français, on dit faire du commerce avec sa femme. Écoute, c'est dans la langue française. Le mariage, c'est déjà un échange. C'est l'échange. Exactement. Tu donnes quelque chose à ta femme, elle te donne quelque chose en retour. Tu ne le donnes pas, tu reçois rien. Tu reçois la sainte. C'est pas rien. Tu reçois là, ça, tu reçois. Excusez, Rabbi Cohen. Avec plaisir. Hein? Au contraire. La cavode, Pasteur Richard. Pour la cavode. Allez, sérieux, nous allons commencer le don. Avec les échanges. Ok. La semaine dernière, on a vu dans la paracha de Mishpatim la notion d'ailleurs de Mishpat. Le rabbi explique que les Mishpatim, comme c'est marqué dans le Targum, Mishpatim ça veut dire des dinim. Mais le rabbi il montre très clairement dans plusieurs sikhot que les dinim dont parle la Torah ne sont pas des dinim en fait, ce sont des chassadim, ce sont des bontés. Mais ça a l'air d'être au départ des dinim. D'ailleurs, tu as fait ça, tu payes ça, celui qui a volé, il doit payer, celui qui a crevé un œil, celui qui a blessé, etc. Donc, il y a des dinim. En réalité, tout ça, le fond de la Torah, c'est que c'est pour amener au chesed. C'est-à-dire que quand on est jugé sur quelque chose ou quand on va payer quelque chose, en réalité, c'est une préparation pour qu'il y ait une élévation, pour qu'il y ait une réparation de la personne, pas simplement qui a subi le dommage, mais de celui qui a fait le dommage. La Torah, elle veut le tikkun, par exemple, quand quelqu'un vole, le ganav, quelqu'un qui a volé, un ganav, un voleur, s'il a volé 100 dollars, en général, on lui demandera de repayer 200 dollars. Pourquoi 200 dollars ? D'après vous, pourquoi ? Pourquoi il doit payer double ? Ça veut dire ce besoin, que ce manque qu'il a créé à autrui, il va le ressentir. Exactement. Ça veut dire quoi ? Si quelqu'un est venu, il a volé 100 dollars à un autre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, moi j'ai besoin de 100 dollars, j'ai besoin, je prends. Ok, tu as pris. Mais tu as pris à quelqu'un et tu t'es pas posé la question, qu'est-ce que ça va lui faire à lui un manque de 100 dollars ? Un moins 100 ? Toi, il te manquait 100, alors que tu allais prendre 100. Mais tu as créé un moins 100 chez quelqu'un. Alors maintenant, tu vas rembourser 200, ça veut dire que tu vas te retrouver à moins 100 aussi à nouveau. Pour sentir et pour commencer à prendre conscience que l'autre, il existe. Parce que jusque-là, l'autre, c'était rien qu'un moyen. Parce que j'ai besoin d'argent. Alors voilà, je vais me servir. Mais l'autre, c'est pas une personne. L'autre, il n'a pas sa vie. Et même si l'autre, c'est une banque. Une banque, c'est pas des gens ? Rabbi. Non, merci. Non ? C'est de Cavendish. Pour t'assurer. Il n'y a pas de problème. Mais comment on dit ? Hagdonné, Haganab, Patour. Aval Assour. Patour, Aval Assour. Quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Hagdonné, Haganab, Patour. Patour, Aval Assour. Non. Ça dépend dans quelles conditions. Il y a beaucoup de... Normalement, on n'a pas le droit de voler, même quelqu'un qui te vole. C'est compliqué tout ça. Non, tu n'as pas le droit de voler un voleur. Tu n'as pas le droit de voler, Bichala. Maintenant, il y a des alertes spéciales. Tu as volé pour aller manger, parce qu'il y avait besoin pour la famille, etc. C'est pas la même chose. Pourquoi ? Même chose, pas la même chose. Ça, c'est une question okay. De... Non, je pose juste la question. Alors, ville de mort. Est-ce que pour une question de ville de mort, il a le droit médicaments ? S'il n'a pas les médicaments, il n'a pas d'argent, il meurt et il vole les médicaments. Ça, c'est une question, c'est l'extrême, je parle. Mais... D'après vous. Moi, je crois que... Pour Kouar Nefesh. Kouar Nefesh, c'est permis. Il n'a qu'à vendre l'argent quand il aura. En vérité, c'est de ça que la Torah, parle. La Torah, elle parle quand elle parle du Evet d'Ivry. Elle parle de quelqu'un qui a fait ça, exactement. Il a pris de l'argent parce qu'il pensait qu'il avait besoin pour sa famille. Un bon juif. Mais il s'est retrouvé dans une situation de détresse et personne n'écoute. Il demandait de tzedaka, il n'arrive pas. Mais normalement, il faut demander de tzedaka. Et normalement, les juifs d'une communauté, ils doivent aider. Ça le dérive. Pas entre juifs, mais si c'est avec Bouling, par exemple, en temps extrêmement temps de guerre, où les gens sont appelés toujours à voler, c'est quoi la loi ? C'est possible que ce soit aussi. Les lois, elles sont. Ouais, c'est pareil. Tu sais que ce genre de lois, elles ont été posées, même. Malheureusement, il y a des livres de Shelot Tchouvot qui ont été posés dans les ghettos de Varsovie, dans des choses comme ça, où c'était des problèmes cruciaux comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est des questions à la fin très très fines, très très dark, très à l'extrême. Mais normalement, on n'a pas le droit de voler. Même si on a faim, on doit aller demander de tzedaka si on ne peut pas faire, si on ne peut pas travailler, si on n'a pas de possibilité. On doit demander un prêt, on doit demander un don, on doit aller. Dans chaque ville, il doit y avoir une caisse. La route de prêt, tout ça, ça venait dans cette paracha. C'est-à-dire en même temps qu'il y a des. Mais tout ça, c'était pour dire que quoi ? Que toutes ces mitzvot, en réalité, qui apparaissent comme des mishpatim, en réalité, à qui du beaucoup. Par exemple, dans cet exemple qu'on a donné de rembourser 200, Hachem, il s'occupe du voleur. Le voleur, le pauvre, il a un tikkun à faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé à la conscience exacte que c'est Hachem qui dirige le monde, qui a une loi dans le monde. Il est encore dans son truc à lui et ses besoins à lui. Et il se voit que lui. Donc il faut l'élever. Une manière de l'élever, c'est de lui faire prendre conscience. Faire prendre conscience. Regarde ce que ça fait quand on t'enlève ça. Regarde qu'il y a quelqu'un qui existe. Et là, cette prise de conscience. Donc en réalité, tous ces dynimes-là, ces sanctions, ces lois, ces jugements, ils sont par recède. Parce que la Torah, c'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu, il a la pitié, il a la bonté de vouloir nous réparer, de vouloir nous élever. Donc, toutes ces parachutes, on a l'impression que Mishpatim, c'est le dynime, et Trouma, au contraire, c'est Tzedaka, c'est le don. Mais en réalité, le rabbin explique que non, tout Mishpatim, c'est déjà à Kedekar, que même dans la parachute Mishpatim, il y a des lois de Tzedaka extraordinaires, comme la loi de prêter de l'argent. Le Rambam, il est possèque que prêter de l'argent, c'est le niveau le plus élevé de Gmilut Hassadim. C'est plus haut que les 8 niveaux de Tzedaka. Il définit 8 niveaux de Tzedaka. Vous savez, le niveau le plus haut, c'est quand tu donnes sans savoir à qui tu donnes, que la personne reçoit sans savoir à qui elle reçoit, etc. Enfin, il y a un niveau plus haut, c'est donner du travail à quelqu'un. Mais le niveau le plus haut de Gmilut Hassadim, Rambam dit, c'est de prêter. Et alors, pourtant, quand tu prêtes, tu pourrais dire, ah, mais c'est un peu moins bien parce que finalement, le gars, il est obligé de te rembourser. Donc, au moins, quand tu lui donnes, c'est plus généreux. Mais dans le cas où prêter, on est sûr qu'il ne va pas rendre. Ça, alors, ça, si tu fais ça, il faut que tu sois prêt à ce qu'on ne te rende pas. C'est-à-dire que tu es prêt, mais tu prêtes, mais en même temps, tu es ce qu'on appelle mévateur sur le retour de ce prêt. Ouais, c'est-à-dire, ça veut dire, je ne peux pas me permettre un gros montant. Je suis prêt à donner mon maaser. Mais là, je vais prêter 4 fois le maaser et je sais que c'est non-retour. Alors, ça devient mévataire, ça devient de l'exagération. Prêter, c'est ta responsabilité. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Je ne fais pas d'avéra en refusant de prêter. Non, tu ne fais pas d'avéra en refusant de prêter parce que tu fais une avéra si tu te mets dans une situation où tu vas. Où tu vas avoir après un problème relationnel avec une personne. Le rabbin me dit que prêter est une plus grande mitzvah que tzedaka. C'est une plus grande guinou trasadi. Ça veut pas dire. Attention, il y a des gens. Il y a des gens. Sans intérêt, Hachvé Shalom, moi je parle. Sans intérêt, je parle toujours sans intérêt. Il a raison. Sans intérêt. Non, avec intérêt, ça s'appelle. C'est assourd. C'est Bichlal assourd. C'est assourd, ça on ne discute même pas. Entre juifs. Non, mais moi je dis, je prête. Oui. C'est d'accord, je vais donner mon maaser. Mais je prête et je sais que c'est. Il n'y a aucun retour. Alors là, est-ce que je suis obligé? Ça devient plus Gmilut Hassadim, ça devient de l'arnaque. Oui, mais sa mitzvah, elle est. Mais s'il n'a pas mis le cœur, là. S'il n'a pas mis le cœur, alors. Mais déjà, le fait de prêter même sans cœur, la mitzvah passe. Tu as fait l'action. Je bois, c'est le whisky. Tu as fait l'action. Tu n'as même pas besoin de faire du cœur pour prêter, tu as donné ton pognon. Ton pognon est là-dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prêter. Au contraire, c'est une très grande mitzvah. Une kesef talvé est ami, c'est un pasouk là qu'on a lu cette semaine. C'est une très grande mitzvah mina Torah. Comme on vient de le dire, c'est une grande mitzvah de Gmilut Hassadim. Bracha v'aslacha. Mais, normalement, puisqu'on fait une parenthèse sur ce prêt, normalement quand tu fais un prêt, tu te fais des choses en bonne et due forme. Oui. Tu dois le faire. Et c'est une halakha, chers amis. C'est une halakha. Sachez-le, c'est une halakha de faire un contrat. Et de le faire avec des témoins. Ou de le faire avec un bedjin. Signé par deux personnes. Quelque chose en bonne et due forme. Ah, pourtant, tu prêtes à ton copain et tu prêtes 500 dollars et que c'est pas la fin du monde. Théoriquement, il faut faire comme ça. Des fois, on ne le fait pas comme ça parce que quoi ? Parce qu'on doit se dire, écoute, il me rembourse pas. Mais si tu veux que la personne te rembourse, il faut que tu fasses les choses comme il faut. Il faut les faire comme il faut. Absolument. Et il n'y a pas, c'est pas gênant, et l'autre, il ne va pas te dire, ah, pourquoi tu ne me fais pas confiance ou quoi ? Il n'y a pas de ça. C'est la halakha qu'on doit le faire. D'accord ? Les chachamim, ils aiment que les choses soient faites comme il faut. Mais toi, elle veut quand même. Écoute, un papier, c'est un contrat, c'est ça. Écoute. Non, ça a des valeurs. Il ne faut jamais perdre d'aspect le sens de ce que tu es en train de faire. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est pour l'aider. Maintenant, il y a plein de manières d'aider comme ça. Tu pourrais lui donner. Pourquoi tu lui prêtes ? Il y a une raison pour laquelle tu prêtes. Parce que lui, par exemple, c'est que une des différences entre le tzedaka et Alva sur le prêt, c'est que le tzedaka, on le fait à un pauvre. Alva, on le fait à un pauvre ou à un riche. Vous savez ? C'est-à-dire que tu peux prêter aussi bien à un pauvre qu'à un riche. Alors, dans tous les cas, il faut savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu t'engages. Tu dois faire les choses avec responsabilité. Puisqu'on parle de ça, on peut même faire une parenthèse sur un concept que la Torah, elle met très en avant. C'est dans le prêt, ce qu'on appelle le garant. En hébreu, le harev. Le harev, celui qui est garant, qui se porte garant s'il n'y a pas de remboursement de paix. Ça, c'est à Kadosh Baruch Hu, il aime beaucoup le garant. On voit que Yehuda, il s'est porté garant de son frère. Quand Binyamin est obligé de partir en Égypte, Yehuda, il a dit, moi, je le ramène. Je garantis que je le ramène. Si je ne le ramène pas, je vais aller jusqu'au bout, mais je vais le ramener. Si je ne peux pas le ramener, c'est qu'on m'aura tué. Mais je garantis, je me porte garant. Des fois, tu signes sur un papier de garantie, tu dis, ouais, bon, je te signe. Et après, quand ça vient maintenant qu'il y a un problème, combien ? Quoi ? Ça va pas, mais ça arrive, ce genre de choses. C'est des situations qui arrivent. Il faut savoir si quelqu'un il signe sur un papier de garant, il faut qu'il ait clair dans sa tête, qu'il est prêt à s'engager, qu'il est prêt lui-même à emprunter pour payer cette personne. Tu t'es porté garant. Ou alors, te porte pas garant. Donc, il y a une mitzvah d'être garant aussi. C'est une grande mitzvah. Le harev, pourquoi c'est une grande mitzvah ? Parce que c'est une très grande mitzvah de... Comme on vient d'expliquer l'histoire d'amour, de donner, de Havat Israël, c'est ça qui répare le monde. Mais quand tu es garant, c'est tu répares exactement le problème initial de la haine gratuite qui est venue bien avant la destruction du Beth Amikdash, qui est venue même avant l'histoire de Yehuda et de Yosef, qui remonte à Caïn et Hevel. Qu'est-ce qu'il a dit Caïn ? Ashomer achi anochi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Qu'est-ce qu'il est venu, Yehuda ? Il a dit, je me porte garant de mon frère. Oui, je suis le gardien de mon frère. Je suis là. Ça, c'est la réparation de ce problème originaire, qui est le problème, justement, du contraire de la Hava. Donc, dans le prêt, ou dans la tzedaka, dans le prêt, dans toutes ces choses-là, dans le don même... pour faire un mishka, un don pour faire une synagogue, tout ce que tu veux. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de réparation extraordinaire. Mais dans le garant, c'est vraiment... Ça veut dire que tu engages ta vie pour l'autre. Tu t'engages pour l'autre. Or, normalement c'est la mitad de ce dôme, c'est le contraire. Écoute, chacun sa vie. T'as un problème. C'est ton nasal, hein. Ça s'appelle mitad de ce dôme. La Mishnah, elle dit... En pire qu'elle vote, elle dit Shelcha Sheli, ce qui est à toi c'est à moi, c'est un rachat. Celui qui dit Sheli Shelcha, ce qui est à moi c'est pour toi, c'est un tzaddik, c'est un chassin. Et celui qui dit Sheli Sheli, Shelcha Shelcha, ça c'est Métat Benoni. Veyesh Omrim, dit la Mishnah, Zemidat Zdom. C'est quoi Sheli Sheli, Shelcha Shelcha? Ce qui est à moi c'est à moi, ce qui est à toi c'est à toi. Écoute. Toi, tu vis avec ce que tu as, moi j'ai ce que j'ai. Et bon, j'ai 10 fois plus que toi, qu'est-ce que je peux faire ? Ok ? Comme Asdom, c'était marqué Asdom, interdit de faire la Tzedaka. de tzedaka. Chacun son mazal, mon ami. D'accord ? Non, même pas. Non. Sheli. Non, c'est Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Pas de tzedaka. Yeshomrim, ça c'est Midat de Benoni. Ça c'est Midat de Benoni. Veillez Shomrim. Zou Midat de Assur tzedaka. Ça veut dire le système, si tu veux, le système occidental individualiste basé sur on donne une chance à chacun, mais chacun pour soi, chacun pour soi, ben ça s'appelle Midas Dom. D'accord ? Si tu dis Sheli Sheli et Shelcha Sheli, ça c'est le rachat. Ok. Bon, donc, ça, donc effectivement, cette notion aussi de. Excusez-moi. Je vous en prie. Notre président de Marrakech, Rabbi Cohen. Monsieur Kadosh, excusez-moi. Rabbi. Vous êtes au Rai ? Non. Je suis à Côte-Saint-Luc. Je m'occupe de l'étudiant. Je donne des cours. Je sème beaucoup au sein de Breslev. Avec des barcouines, des jeunes. Baruchaba. Baruchaba, tout le monde, c'est ouvert à tous les âmes, on en écoute tous les jours. Ok. Amen. C'est marqué dans le Midrash qu'il y a 5 noms à la Neshama. Chamisha Shemot. Qui sont appelés un Neshama. Et le Midrash explique c'est quoi ces 5 noms. On va entrer maintenant dans l'hymne un peu de Chassidut, pour qu'on en parle. Nefesh, Ruach, vous avez déjà entendu ça. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Yechida. Chaya et Yechida, ça c'est des niveaux supérieurs de Neshama. C'est même pas. C'est vraiment des niveaux. En général, c'est rien que les grandes sadikim qui acquièrent ces deux niveaux. Mais on travaille surtout, nous, au niveau de Nefesh, Ruach et Neshama. Mais en réalité, c'est quoi Nefesh? C'est quoi Ruach? C'est quoi Neshama? Tous ces noms-là, de quoi? On en parle tout le temps dans le Tanya, on en parle dans le Zohar, dans les Sfarim, le Kedoshim, mais c'est quoi? Il y a une différence. Essentiellement, la notion de nefesh, on le construit par les mitzvot. Quand on fait des mitzvot maasiot, on développe notre nefesh. Le ruach en hébreu, ça veut dire l'esprit. Ça se développe grâce à l'étude. L'étude de la Torah, elle construit notre rouard. Alors que notre nefesh, il se construit essentiellement par les maasim tov. Le Alter Rebbe, il explique, le Admon Hazaken explique dans le Tanya, que ce qui va amener le niveau de Neshama, c'est ce qu'il appelle la Hitbonenut. En français, on va dire la méditation. Quand on fait méditation, ça fait très peur ce mot. J'ai l'impression qu'on est comme des extrêmes orientaux. Mais il faut savoir qu'au contraire, c'est quelque chose qui existe profondément dans la Torah, et en particulier dans la démarche de la Torah de la Chassidut. Méditation, ça veut dire une réflexion profonde, prendre du temps pour penser à un sujet. Et en particulier, les sujets sur lesquels on va penser, c'est les sujets sur... qui nous parle d'Hachem, de son unité, de sa grandeur, de ce qu'on peut connaître de lui. Par exemple, lorsqu'on fait Shema Israël, Shema Israël, c'est quelque chose qui est une mitzvah centrale dans toute notre avoda. On dira après pourquoi c'est central. Mais quand on fait Shema Israël, le mot Shema, Shema qui veut dire écoute, il veut dire aussi comprendre. Et pour comprendre quelque chose, il faut y réfléchir profondément. Parce que si on ne réfléchit pas profondément à une chose, on connaît la chose que de manière superficielle et on n'arrive pas à l'intégrer réellement de manière profonde. Par exemple, qu'est-ce qu'on réfléchit et qu'est-ce qu'on doit écouter et comprendre quand on fait Shema ? On doit comprendre que Hachem est le Kenu Hachem Echad. C'est quoi Hachem est le Kenu Hachem Echad ? Que Hachem, c'est le seul à exister, c'est le seul qui fait vraiment exister tout, qu'il est dans tout, qu'il est celui qui soutient tout, qu'il est seul, celui qui contrôle tout, qu'il est la source de toute existence. Et pour comprendre ça, ça peut, a priori, tu pourrais dire que ça n'a pas besoin de tellement de réflexion. N'importe quel enfant de 5 ans, si tu demandes, tu dis il y a beaucoup de HM, mais non, HM est Kham. Donc qu'est-ce que la Torah nous demande deux fois par jour ? De réfléchir et d'écouter que HM est le Kino, HM est Kham, si on le sait déjà. C'est comme si je te disais tous les jours, tous les matins et tous les soirs, n'oublie pas, hein, tu te rappelles et tu le dis pour bien t'en souvenir que 2 plus 2 égale 4. Tu vas dire, bon, ok, c'est lourd. C'est une forme de méditation schéma. Alors, exactement, voilà, on y arrive. Le fait de comprendre qu'Hachem, il est Echad, c'est quelque chose qui est extrêmement important et finalement, ça demande beaucoup de travail. Pourquoi ? D'abord, premièrement, pourquoi c'est central dans toute la Torah de Shema Israël ? Le Rambam il dit, que le premier des 613 commandements, la première mitzvah, la plus importante de toutes les mitzvahs, qui contient toutes les mitzvot, qui est le principe de toute la Torah, et qui est la mitzvah kolelet, qui inclut toutes les autres mitzvot, c'est la mitzvah de ce qu'il appelle Amanat Elokut, croire en Dieu. Il y a d'autres rishonim qui ne sont pas d'accord avec le Rambam. Ils disent, écoute, attends, croire en Dieu, c'est avant les mitzvot, parce que tu ne crois pas en Dieu, qu'est-ce que tu vas faire des mitzvot ? Le Rambam, mais tout le monde est d'accord, c'est un grand principe en tout cas. Le Rambam, il en fait la première mitzvah. Il dit, cette mitzvah, où est-ce qu'elle a été dite ? Elle a été dite au Sinaï, tout le monde l'a entendu, c'est le premier des 10 commandements. Quand Hachem, il te dit, Anochi Hachem Elokecha, c'est pas une carte de visite qui te dit, oui, c'est moi, Dieu, etc., qui vous a sorti d'Égypte. Il est en train de te dire, voilà en quoi tu vas croire en moi. Tu vas croire en moi que je suis celui qui fait tout exister et qui contrôle tout, qui peut même sortir un peuple d'Égypte, un pays où on ne sort pas, c'est-à-dire qui dirige l'histoire, qui dirige le monde, qui fait exister le monde, qui crée le monde, mais qui dirige le monde. Plus que ça même, qui libère, puisqu'il nous libère d'un bête avadim. C'est un Dieu libérateur. Mais l'essentiel de ce commandement, dit le Rambam, c'est de savoir et de croire profondément que Dieu, il est un, et que c'est lui qui est la source de toute existence, qui fait tout exister à chaque instant. Maintenant, si ça c'est le premier des commandements, le premier des 613 commandements, qui est en fait la mitzvah centrale, eh bien, en réalité, à quel moment on accomplit cette mitzvah ? C'est quand on fait Kriyat Shema. Quand tu fais Shema Israël, tu es en train d'être Mekayem, d'accomplir le premier des 10 commandements, c'est-à-dire le commandement central de toute la Torah. Alors, encore une fois, on peut se reposer la question, de dire, mais bon, qu'est-ce qu'il y a tellement... Ok, savoir que Dieu existe, que c'est une histoire... Okay. Alors, la preuve que c'est pas si évident... C'est que t'as beau être à la choule et faire schéma, et puis tu rentres chez toi et tu trouves une facture, un truc, machin, tu dis, ouais, comment je vais faire ? Ou bien t'as un truc, t'as un problème, transmission de médecine. Alors, t'as compris que Hachem est un ou t'as pas compris que Hachem est un ? Si t'as vraiment compris que Hachem est un, ta réaction, elle va pas être de paniquer, elle va pas être de... aller trouver un truc. D'abord, il y a Hachem. Présente Hachem. Ça va aller. Akadosh Baruch Hu, il est là. On va prier. On va demander une bracha. Après, on va peut-être aller voir un médecin. Peut-être après, on va téléphoner au banquier. Intégrer que Hachem, il est Echad, c'est faire une transformation en nous qu'on va vivre avec un niveau de Emouna et de Bitachon qui va être extraordinaire. Mais le Alter Rebbe, il ne s'arrête pas là. Il va plus loin encore. Il dit en réalité, tant que tu n'as pas intégré vraiment ça, tant que tu ne rentres pas ça vraiment dans ton cœur, à tel point qu'il y a tellement de psukim de la Torah qui nous disent qu'il faut le faire, comme c'est marqué Vashevota Levavecha, Veyadata Hashem, Veyadata Yom, Vashevota Levavecha, qui Hashem ou Elohim, Mazé Hashem ou Elohim, Ayichud Hashem, qu'il n'y a rien qu'Hashem, Vashevota Levavecha, tu rentreras dans ton cœur. Il te dit que tant que tu n'as pas rentré ça dans ton cœur, il y a autre chose qui va prendre la place dans ton cœur. Et c'est quoi cette autre chose qui va prendre la place dans ton cœur? Vous l'avez compris, c'est le Yetzara. Alors là, on a un point, et qui est le point central, on pourrait dire presque, de la Avodat Hashem, tel que le Balatania l'a défini dans la Chassidut Rabbad. C'est que si tu veux chasser le Yetzara de ce cœur, il te dit, il part, il rentre dans le ventricule gauche, mais il voudrait prendre toute la place. Et quand quelqu'un est vraiment un rachat, c'est qu'il a pris toute la place. Il n'y a plus de désir pour Dieu, il n'y a rien que le cœur c'est le lieu des désirs. Il n'y a plus que des désirs pour lier de Sarah, on va dire. Mais si tu veux le chasser, tu veux le pousser, tu veux le dominer, tu veux le maîtriser, il faut que tu amènes dans ce cœur cette conscience que Hachem l'Echad. Ça, c'est la grande force. Par la connaissance de Dieu, et c'est ça la connaissance de Dieu, tu peux arriver à transformer ton Yetzara. Tu peux arriver à dominer ton Yetzara. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de ça pour dominer mon Yetzara. Mon Yetzara, je dis non. C'est vrai. Jusqu'à un certain point. On se connaît tous, on sait tous. Jusqu'où on est fort, jusqu'où on est faible. D'ailleurs, il faut faire attention, parce que même quand on pense qu'on est fort, en réalité, on est fragile. On voit que la Gemara nous raconte plein d'histoires de tzadikim que c'était pas évident. Si Hachem, il les avait pas sauvés, ils seraient tombés aussi dans Yetzara, parce que Yetzara, il peut être très très puissant. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, sur la paracha Boel Paro qu'on a vu il y a pas longtemps, que pourquoi est-ce qu'Hachem, il a dit Boel Paro à Moshe Rabbeinu, hein, pour lui annoncer Makat Bechorot, tout ça. Pourquoi il a dit Boel Paro? Il fallait pas lui dire Boel Paro, il fallait dire Lech les Paro, va chez Paro. Pourquoi viens chez Paro? Quand tu dis viens, je suis là. Alors, Dafka, le Zohar Kadosh, tu dis, Hachem, il lui a dit ça parce que Moshe Rabbeinu, il avait peur d'aller chez Paro. Pourquoi il a peur d'aller chez Paro? Il a peur d'aller chez Paro, il a déjà fait 7 makotes. Et... qu'est-ce qu'il a, Paro? Il est ridicule. Et Moshe Rabbeinu, il rate Hachem, il n'a pas. Non, même le tzadik Gamo, même le plus grand tzadik, comme Moshe Rabbeinu, il y a un niveau de Yetzerara qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Agmar, elle te raconte des histoires que Rabbi Meir, il était éprouvé que. Pourquoi? Parce que la puissance du Yetzara, elle est telle que dans le tête du Yetzara, dans le tête, c'est dans le roche, dans le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle dans le Zohar le keter du Yetzara, de la force de la Klipa, même le tzadik, il a peur de ça. Et en réalité, c'est la peur de fauter, c'est une bonne peur. On ne doit jamais être sûr qu'on va être, comme on dit que Yonatan Kohen Gadol chez Shimesh Shivim Shana, qui est Kohen Gadol, Bassof, non, c'est Douki. Ouais. Le rabbi dit que pendant 70 ans, il était tzadik. Az, c'est pas qu'il n'était pas tzadik et qu'il faisait se croire qu'il était tzadik. Donc c'est dire, ok. Mais, Bederech Klal, Akadosh Bukhu, Loba Betronia, Hachem, il vient, il ne nous fait pas de sales coups. Il ne nous fait pas des mauvais coups. Il nous a donné une méthode pour arriver à gagner l'Yetzara. Cette méthode, de manière générale, c'est la Torah, comme on sait qu'il y a un Sam Mavet, qui est l'Yetzara, un Sam Chaim, un élixir de guérison, qui est la Torah. Mais même dans la Torah, attention, Veshaim Yirkshaloubam, ils peuvent, on peut encore se tromper dans la Torah. On peut se perdre, perdre des années. Alors, le Alter Rebbe, ils te disent, pour que ce soit facile, il faut que tu fasses les choses simplement. Et les choses simplement, c'est que tu vas bien faire ta tefila. Ouais. Tu vas bien faire ta tefila. Mais ça veut dire quoi, bien faire ta tefila? Tu vas prendre le temps de bien la faire. Ah, des fois, on ne peut pas, parce qu'on court, c'est le business, tout ça, on travaille. Malgré tout, ce que tu peux, tu le fais. Shabbat, tu prends ton temps, etc. Tu prends ton temps pour la faire, la tefila, pour bien réfléchir, pour bien méditer dans ta tefila. Adkid Ekar, que chez les chassidim, théoriquement, on étudie le chassidout avant la tefila. Pourquoi quand tu étudies le chassidout avant la tefila, déjà, ton esprit sort des choses de Olam Hazeh et rentre dans des dvarim, tu parles d'Hachem. Dès que tu commences à parler d'Hachem, à réfléchir sur Hachem, sur Avodat Hachem, alors déjà ton esprit dans la doucha commence à se poser, il commence, et là tu peux commencer à comprendre ce que tu vas dire dans la tefila. Il faut réchauffer le sportif. Mais, ouais, à part ça, c'est un peu plus que ça aussi, puisque ce que tu as appris dans la chassidoute à apprendre, ça peut être des éléments de réflexion et de méditation pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension de couper avec le Olam Hazeh. C'est une des raisons pour laquelle les Chachamim, ils ont fixé qu'on fasse les korbanot avant la tefila, etc. C'est déjà rien pour se détacher des choses de Olam Hazeh. D'accord ? Il y a d'autres raisons plus profondes aussi. Mais donc, les maasés, ce que dit le Térébé, c'est que si tu veux arriver à gagner ce Yitzhar, il faut, et ça, ce qu'on appelle la avoda du Benoni, il faut que tu amènes cette notion de Neshama. Tant que tu as Nefesh et Rouar, c'est-à-dire que Nefesh et Rouar, c'est déjà extraordinaire. Tu fais des mitzvot et tu étudies la Torah. Génial. Parce que quelqu'un qui ne fait pas des mitzvot, qui fait des averot, il fait des gamim, il dégrade son Nefesh. Son Nefesh, c'est-à-dire une partie de son âme, c'est-à-dire une partie de sa connexion avec Dieu, qui est endommagée. Rouar, il n'étudie pas, ou Rouar, il étudie que des sciences extérieures. La philosophie grecque, c'est bien mon ami, mais tu construis ce rouar, il n'est pas en connexion avec la Kedusha, avec la Shrina. Donc il te manque quelque chose dans le rouar. Mais si quelqu'un fait mitzvot, Torah, mitzvot, c'est extraordinaire. Mais c'est pas sûr qu'il ne va pas te tomber. C'est pour ça que tu vois des gens qui étudient la Torah. Et pourtant, de temps en temps, s'il tombe, il se relève. Pourquoi on tombe, on se relève? Parce qu'il manque encore ce troisième niveau qui s'appelle la Neshama. Tant que tu es dans les deux premiers niveaux de la Neshama, qui s'appelle Neshama au sens global, qui s'appelle Nefesh et Ruah, tu peux être encore. Tu as encore une fragilité qui fait que tu vas risquer de tomber. Si tu veux devenir un Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui ne tombe plus. Ouais. Le Benoni du Tania, c'est quelqu'un qui ne tombe plus. À tel point que, extérieurement, tu vois comme un tzadik, c'est un tzadik, ni il ne perd pas une seconde de Torah, dans ses actions, dans sa parole, dans sa pensée, même une pensée, il ne la laisse pas rentrer. Ça existe aujourd'hui. Écoute, il faut être ma'amine que ça existe. Il faut être ma'amine que ça existe, et plus que ça, il faut être ma'amine qu'on peut y arriver. Parce que le Tania, il vient, il te dit facile d'y arriver. Ouais, des quoi, ok, ouais, facile d'y arriver, doucement. Mais, qu'il a d'avoir méode. C'est quelque chose qui est faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce qu'il te dit, il faut avoir un certain niveau de méditation, mais même on ne te demande pas un très grand niveau de méditation. Là, dans les pratiques qu'on est en train de lire en ce moment dans Khitat, le Moazakan explique, on ne te demande pas de savoir les grands secrets de la métaphysique et de la Kabbalah dans cette méditation pour arriver à construire ta pensée qui a conscience de Dieu, qui fait qu'effectivement tu vas plus foncer, plus fauter parce que tu as conscience de Dieu. Parce que par exemple, comme on vient d'expliquer, quand tu as fait Shema Israël, tu as pris qu'il y a conscience qu'il n'y a que Hachem. À ce moment-là, quand tu fais Shema Israël, tu n'es pas en train de fauter, puisqu'il y a Hachem dans ta vie. Et que ça, il faut l'amener toute la journée quelque part. Il faut avoir un Rochem de ça. Il faut être Mamshir. Il faut amener ce que tu as prié avec tes tefillin ce matin, il faut que tu l'amènes dans ta journée. Que maintenant tu vas te retrouver au bureau, au truc, machin. Tu as la conscience qu'Hachem est Chab. Alors qu'il y a tel truc, il y a un truc, peut-être volé, tac, une femme, ce que tu veux. Non, Hachem est Chab. Alors il te dit, pour arriver à ça, on ne te demande pas les plus grandes méditations du Harizal et tout ça. Ok, il y a des sadikim qui peuvent rentrer dans tout ça. Mais même déjà, la conscience simple que Akadosh Baruch Hu, il est là, que Akadosh Baruch Hu, il est un, que Akadosh Baruch Hu, des choses qu'on peut comprendre à notre niveau, dans notre langage, dans nos mochines à nous, dans notre esprit à nous, si on les intègre bien. C'est pour ça que la chassidoute, elle a parlé à tout le monde, aux plus grands chachamim, comme aux gens les plus simples du peuple. Parce que, quel que soit dans le degré qu'on est, l'important c'est de bien intégrer une idée qui est finalement, qui est simple, qui est la notion que c'est Hachem qui me fait exister, qui est Hachem qui est là. Mais encore une fois, il ne s'agit pas simplement de comprendre simplement de manière intellectuelle et extérieure. Il faut le rentrer dans notre cœur, que ça devienne notre teva, que ça transforme notre lèvre. Et c'est ça la difficulté, et en même temps, c'est pas si difficile, il te dit. Sauf que Yetzara, il va faire tout pour que tu fasses pas ça. Tu dis, waouh, parce que là, c'est sa fin. Donc il va te dire, non, étudie ça, fais des grandes avodotes, fais tout ce que tu veux, deviens un grand rabbin, mais prends pas ton temps pour faire ça. C'est ça le discours, c'est comme ça qu'il nous a formé Yetzara. Il nous attrape parce qu'il sait que si on rend cette notion au fond de nous, qu'on a vraiment conscience d'Hachem, on va plus flotter. Quelqu'un qui a conscience d'Hachem, si Hachem est devant toi, tu vas faire un avéra maintenant. Ça ne fait pas de sens. Le problème, c'est qu'il n'est pas devant toi. Il est devant toi, mais tu ne le vois pas. D'accord ? Il n'est pas dans ta conscience. Si on avait conscience d'Hachem, on ne ferait pas l'avéra. C'est qu'un moment. J'ai oublié. Je passe en mode ornière. Ça nous arrive quelquefois. Mais ça nous arrive presque tout le temps. Oui, parce que on voit quelqu'un qui dit vraiment, faut pas faire, faut lui parler gentiment, c'est pas bon, ou faut pas lui faire du mal. On dit, et parce qu'il y a quelqu'un derrière nous, on dit, c'est Hachem qui nous. On a cette. Même si on ne dit pas. On a cette conscience de. Rabbi Yochanan, avant de quitter ce monde, il a fait une bracha à ses élèves. Quoi, il a fait une bracha. Il a dit que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des hommes. Ça veut dire quoi, hein? Si y a des fautes que tu ne vas pas les faire devant quelqu'un, c'est honteux. Okay. Bon, mais pourquoi tu les fais quand il n'y a pas quelqu'un? Quand il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. Bah oui, il n'y a personne. Bah, c'est là que tout se joue. Si tu penses que quand il n'y a personne, il n'y a personne, il faut que tu penses que quand il y a personne, il y a quelqu'un. C'est la bracha qu'il a fait. Mais ce quelqu'un, c'est Hachem. Mais si toi, matin et soir, tu te le répètes et tu médites sur ça, ça finit par rentrer en toi. Et quand ça rentre en toi, et quand c'est vraiment intégré en toi, bah de même que tu ne vas pas fauter devant quelqu'un, bah tu ne vas pas fauter non plus. Même si tu as encore le Yetzara qui peut venir, mais tu ne vas pas le laisser rentrer parce que... Imagine, je ne sais pas, il y a ton rave qui est devant toi, tu ne vas pas faire le truc. Bah, j'ai envie de manger ça. Mais il est là. Je vais te cacher. Okay. Si tu arrives à vivre ça avec Hachem, ça y est, c'est gagné. T'appelles un Bédoni. Mais la clé, c'est de faire rentrer cette conscience en nous. C'est ça la méditation, l'être bon et nôtre que nous demande le Balatania. Réfléchissez sur ça, jusqu'à ce que ça fasse partie de vous. Et encore une fois, on peut dire, ouais, mais c'est très loin de nous. Non, c'est pas loin de nous. Dans un Mahamar ici qu'on a lu ce Shabbat, c'est le Rabbi l'explique par exemple sur le. Je sais pas jusqu'à quelle heure on fait chaud aussi. C'est... Non, non, non. Bon, il reste encore une heure. Une heure. Mais c'est très intéressant, vraiment, c'est très intéressant. C'est ça. Alors, en tout cas, juste, je vais finir avec ce mot. Le Rabbi là-bas, il rentre dans les notions de ce qu'on voit là au début de la parasha de Mishpatim, qu'il y a un Eved Ivri, un Eved Kenani, une Ama Ivriya, une fille aussi, la bat, quelqu'un qui vend sa fille. Et là-bas, gros, il garde, c'est une classification qui vient du Zohar, qui dit qu'il y a quatre niveaux, qu'on appelle le Vet Kenani, le Vet Ivri, la Maivria et la bat. Mais il dit que même quand quelqu'un est dans un niveau de Evet Kenani, c'est quoi Evet Kenani? Ça veut dire que son âme animale, elle est très forte, on va dire. D'accord. Eh bien, il te dit que même dans ce niveau-là, c'est-à-dire même quelqu'un comme nous, en fin de compte, quelque part, dans un certain côté, parce que on est très préoccupé par le matériel, on est très dans le monde physique. Il montre dans ce Mahamar, en réalité, que lui aussi, il peut devenir un Benoni, il peut devenir quelqu'un qui est comme un tzaddik. Bon, on va pas avoir le temps maintenant de faire ce Mahamar, c'est pas grave, de toute façon, ça demande du Yoon. Mais il veut te dire que quel que soit le niveau de ta neshama, parce qu'il y a des neshamot d'Atsilut, les neshamot, les grands neshamot. On n'a pas la neshama du Balatania, c'est une neshama d'Atsilut. Moi j'ai une neshama d'Asiya. Vous savez que les neshamot d'Atsilut, il n'y en a pratiquement pas. Mais nous on a des neshamot qui sont du bas. Mais même dans ces neshamot de bas, de Asiya, qui correspondent au Evet Kenan, même là, on peut tous y arriver. Alors, qu'est-ce que tu dis qu'un monsieur qui, à la fin de sa vie, il a cru toujours au bon Dieu, mais il a toujours cru. Mais encore une fois, il y a croire et croire. Croire qu'il y a le bon Dieu. Mais croire à chaque. Un enfant de 5 ans, il le croit. Il croit parce qu'il dit qu'il va être enterré dans un cimetière juif. On a l'émouna pshuta, elle est bien. Ouais. Et peut-être c'est ce qu'il y a de plus important. Mais le problème, ce qu'on explique dans la raison que l'émouna, elle est même à un niveau très élevé, le plus élevé, mais elle est makif. C'est une forme de ce qui est makif. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'exemple classique qu'on dit, c'est que tu peux avoir un ganav alpi alpum bartata. C'est pas. Voilà. Mais taïmouna, tu peux l'avoir, laïmouna, mais c'est pas. Laïmouna, elle t'empêche pas de fauter. Parce qu'il y a des cartes qui peut y avoir un ganav. Qui avant de voler, il prie. Yachem, fais-moi aussi. Ce coup-là, je l'éclate, je me discrète, tac, je prends le truc, je prends le gros lot, je me casse. Hachem, Bezat Hachem, je te donnerai. Aide-moi dans ce. Aide-moi dans ça. Ganav, Alpou, Martata. Le Ganav, avec son pied de biche dans la main, il est en train de prier. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle t'a pas transformé si t'as l'Emouna Hachem. Alors fais ça toi. La loi de la Torah, ça ne vient pas d'Hachem. Tu n'as pas intégré. Or, il faut arriver à intégrer de manière suffisamment profonde et réelle dans ton niveau par rapport à ton. T'as un échama par rapport à tes kélim, par rapport à ton intellect. On ne te demande pas d'être, je sais pas, le regard de chauveur pour comprendre ça. On te demande dans ton niveau d'arriver à intégrer réellement la conscience. C'est ça le Da'at. La conscience de l'existence de Dieu, pas le savoir extérieur, pas le savoir théorique. Le savoir théorique, tu le sais. Mais il faut que ça vienne à l'intérieur de toi. Et si c'est vraiment rentré à l'intérieur de toi, là, le Yetzara, il n'a plus de place. Et c'est la clé essentielle pour retirer le Yetzara. Alors, maintenant, ce qu'on voit dans la parashat de Trouma, c'est que pour arriver à ça, parfois, il faut faire des actes de générosité. Hachem nous a donné trois choses. On a parlé beaucoup de méditation. On sait qu'il y a trois piliers pour le judaïsme, qui est l'étude de la Torah, donc l'étude, la réflexion, etc. La avoda, qui est la prière, et la gmilut hasadim, le fait de faire des bonnes actions. Quand tu fais des bonnes actions, tu transformes beaucoup ton yetzer. Mais là, on dit que celui qui a fait un Adam. La Gemara la prononce dans Sota que un Adam choté est là que j'ai connais Warshtout. Ok. Si tu n'as pas un moment de folie, tu ne vas pas fauter. Mais la folie, c'est quoi? La folie, c'est une perte de conscience. C'est un bilbouladat. D'accord? La ch'tout, c'est une bêtise. Pourquoi t'es une bêtise? Parce que Mais si tu avais été concentré, si tu avais été posé, si tu avais l'esprit serein, c'est le contraire de Rachdout, tu n'aurais pas fauté. Précisément, il faut corriger l'esprit pour ne pas fauter. Alors la manière de corriger... L'obstacle, elle est là qu'une fois. Comment ? Mais l'obstacle, elle est là qu'une fois. Pourquoi une fois ? Elle peut revenir 10 fois, non ? C'est-à-dire que quand tu dis, si j'aurais été posé, l'action... Pourquoi quelqu'un... Quand on tombe, pourquoi on tombe ? Parce qu'à un moment... je veux plus réfléchir. Comment dire en français, j'ai envie de ce truc. Alors je le prends. J'étais pas moi-même. J'étais pas moi-même. Mais en réalité, c'était pas toi-même. C'est pourquoi tu as mis ton... La Gemara appelle ça que tu as mis en toi un dieu étranger. Un El Anechar. Et c'est quoi le El Anechar ? C'est le Yitzhara. Le Yitzhara, il prend la place. Le Yitzhara, il nous attrape comme il a montré au Bnei Israël dans le désert au moment du Egel Azav. Il a montré que Moshe Rabbeinu, il était mort, tout ça. Il aura. Fait paniquer. Quand tu es dans un moment de panique, c'est là que le Yitzhara peut entrer. Tout ça, c'est du Rorschtout. D'accord. Une des manières de ne pas le Rorschtout, c'est qu'il y a un Shtout de Gdusha, c'est-à-dire que tu fasses des choses par abnégation et par générosité extrême. Mais dans l'ensemble, il faut rétablir le Da'at. C'est ça le vort, c'est qu'il faut ramener le Da'at. Il faut ramener la conscience de la chair. Et c'est pour ça que c'est la mitzvah centrale, c'est pour ça que c'est la première des mitzvahs, c'est pour ça que c'est celle qu'on a appris dans les 10 commandements au début, en premier, et qui doit s'épancher dans les 613 mitzvahs. Dans tout ce qu'on fait, on doit retrouver cette unité d'Hachem et intégrer cette unité. Donc le Da'at, mais il est terminé. Non, Donc le Da'at, c'est un. Le Da'at, c'est la connaissance amoureuse. Ouais, mais c'est la connaissance directe. Oui, parce que c'est la conscience directe. Il faut développer un amour pour Hachem, exactement. Pour Hachem, c'est là où nous arrivons au niveau de Da'at. Parce que sinon, il n'y a pas de Da'at sans amour. C'est l'Ahava qu'on va arriver au ce Da'at. Oui, mais vous avez raison. Il faut augmenter ce qu'on appelle Ahava. C'est pour ça qu'avant le schéma, on dit Ahavat Olam, Ahava Rabba. Mais après, c'est quand on dit Va'aftet Hashem Ekra, c'est seulement après le passage du Shema Yisrael. Pourquoi ? Parce que c'est seulement si on connaît Hashem qu'on commence à vraiment l'aimer, d'un autre côté. Alors, parce que le Admor HaZaken, il pose cette question, il dit, comment peut y avoir une mitzvah de Va'afta ? Soit j'aime, soit j'aime pas. Si tu me dis, mange ces bambas, aime ces bambas, ça n'a pas de sens. Je peux les manger, mais je les aime pas. Si je me force, ok, je peux me forcer à les manger, me forcer à les aimer. Je peux me forcer à aimer quelque chose. Tu aimes le poisson, tu n'aimes pas le poisson. Ça ne se discute pas, non. Pourquoi ? Il y a une mitzvah de Ve'ahavta ? Oui, il y a une mitzvah de Ve'ahavta qui peut commencer que si tu connais Hachem. Quand tu connais Hachem, alors là, ça prend du sens d'aimer, parce que ça vient, c'est ça qui va découler, en quelque sorte. Parce qu'il y a un autre qui dit « Da'et Hachem Elokeinu ». Connais-le dans. Mais c'est sûr que le nian de Da'at, c'est Vayeda, Adam et Trava, c'est le nian du nion. Oui. Ceux qui ont fait la Mechaya,